Il y a longtemps, très longtemps, des récits chargés d'épices, de soie, de diamants et de paillettes d'or ont fait un grand voyage. Nous commençons notre aventure en 1701. À Paris, au premier étage de la petite auberge d'or, un homme au visage rond, aux yeux allongés et à la moustache rousse, travaille, assis à sa table. Ce moustachu s'appelle Antoine Galland. Depuis des années, une grande et folle passion fait battre son cœur, la culture arabe. Oui, il est fasciné par les langues et les traditions de ces pays qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Syrie, l'Irak ou encore, appartenant à ce même Orient, la Turquie et l'Iran. Plusieurs fois, il s'est rendu dans ces merveilleux coins du monde. Là-bas, il a appris le turc, le persan et l'arabe. Et puis, il a ramené ce magnifique turban qu'il porte sur la tête alors qu'avec beaucoup d'enthousiasme, il est en train de terminer une lettre. Mon cher Omar, comment te décrire mon excitation ? Youssef, un ami syrien qui habite Paris, a reçu il y a quelques jours un livre qui, d'après ce qu'il m'a dit, vaut bien son pesant de cacahuètes. Il s'agit d'un ouvrage écrit en langue arabe rassemblant des histoires extraordinaires, connues sous le nom de Alf Layla wa Layla, les mille et une nuits. L'ouvrage est si précieux que le grand sultan de Constantinople en possédait un exemplaire dans sa bibliothèque. Fantastique, non ? Ah, j'en tremble, Omar, j'en tremble. Aïe, d'ailleurs, je viens de faire un gros pâté. Bon, tu m'excuseras, je n'ai pas le temps de recommencer. Je cours, que dis-je ? Je vole récupérer le livre. Allez, à plus, dans le bus. Ah, non, pardon, ça n'existe pas encore. C'est pas grave. Bisous ! Puis, il claque la porte en faisant trembler les murs. Pétard, quelle force! Dans la rue, il court, il virevolte! Enfin, il arrive chez son ami Youssef. Antoine! Oh purée, mais tu sens la vieille chaussette, mon vieux! Oui, c'est la transpiration. J'ai couru, excitation, trop forte! Bon, je comprends pas grand-chose de ce que tu racontes. Mais voici le fameux livre, tu m'en diras des nouvelles. En Syrie, on adore les histoires des mille et une nuits. Antoine rentre chez lui, le sourire aux lèvres, le visage illuminé comme une ampoule. Toute la nuit, il la passe à lire. Comme un fou, comme un dingue. À mesure qu'il tourne les pages, apparaît une foule de personnages merveilleux et grandioses. Des sultans vêtus de velours, des vizirs chaussés de babouches d'or, des mendiants et les plus grands marchands de Bagdad. Ah ! Oh, j'adore ! Éclairé par la lune, il traverse le désert sur le dos d'oiseaux ensorcelés. Ah, et là, attention ! Un homme court dans les ruelles d'un immense bazar. Il se faufile entre les sacs d'épices. Il renverse des paniers remplis d'étoffes, de perles, de bijoux. Pétard ! Il y a des trésors partout ! Antoine découvre de fabuleux récits. Autrefois destinés à l'éducation des princes, ils ont circulé en Iran, en Irak, en Égypte, en Syrie. Ils sont passés de langue en langue, ils se sont enrichis, transformés, en s'inspirant d'histoires aussi vieilles que le monde. Des légendes d'Inde et de Mésopotamie, des mythes grecs ou encore de grandes aventures racontées au temps des pharaons. Alors, tu vois, ce que ces mille et une nuits transportent, comme de puissants fleuves chargés de pépites d'or, c'est un peu, ici et là, des traces de toute la mémoire de l'humanité. Lorsque le soleil paraît, Antoine se glisse dans son lit. Ah, magie. Merveilleux, oui. Ah, sublime. Sont les derniers mots qu'il prononce avant de s'endormir. Le lendemain, enfin, quelques heures plus tard, il est debout. Débordant d'enthousiasme, il décide de traduire ses récits en français. Il faut que les Européens connaissent toutes ces merveilles. En même temps qu'il traduit, il ajoute des histoires qu'il a lues dans d'autres livres. Il coupe des morceaux et modifie certaines scènes. Enfin, son manuscrit semble prêt. Avant de l'envoyer chez son éditeur, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 36, 37, 38, 139, 138, 139, 180, 281, 282, 282 nuits. Ah bah non, là ça va pas du tout là. Le livre s'appelle Les Mille et Une Nuits. Il me faut beaucoup plus d'histoires. À cette époque, de nombreux Syriens, comme son ami Youssef, se rendent à Paris. Parmi eux, il y a un certain Hanna Diab. Hanna Diab est un grand voyageur et bon sang, il en connaît des histoires. Hanna raconte à Antoine de nouveaux récits fantastiques, fabuleux, dont les héros s'appellent Aladdin ou encore Ali Baba. On y croise des lampes magiques, des génies, de puissantes fées et des princes amoureux. Subjugué, Antoine ajoute ses nouvelles histoires à son manuscrit. Ainsi, les Mille et Une Nuits se transforment en corps. Depuis plus de 1000 ans, ces folles aventures enflamment l'imagination de tous ceux qui les lisent. Ça alors, d'où tire-t-elle cet étrange pouvoir? Et que raconte-t-elle à la fin, ces histoires? Eh bien, justement, nous y voilà enfin. Savoir raconter une bonne histoire est parfois une question de vie ou de mort. Au cœur des Mille et Une Nuits, il y a un fabuleux personnage qui s'appelle Scheherazade. Nous sommes dans un royaume, caché quelque part entre l'Inde et la Chine. Ici, le soleil assèche la terre et tanne la peau des humains. Au milieu des villes blanches, immaculées, d'immenses tours bleues coiffées d'or chatouillent les étoiles. C'est l'un des plus beaux pays du monde. Il est gouverné par le sultan, Shahriar. Un soir, après avoir chassé le chacal doré pendant des heures, il est de retour dans son palais. Bon, allez, à la douche! Il pousse la porte de sa chambre lorsqu'il aperçoit la reine, son épouse, endormie dans son lit, dans les bras d'un autre homme. Aussitôt, le cœur du sultan se met à brûler. Il a du mal à respirer, il vacille, il se prend une porte, deux portes, trois portes. Fou de rage, il s'empare de son sabre. Nom de nom, mais qu'est-ce qu'il va faire? Arrêtez-le! D'un geste fou, violent, il embroche ses deux amants qui meurent sur le coup. Les jours suivants, le sultan Shahriar est pâle à en frémir. Il a perdu l'appétit et n'a plus goût à rien. Il crie en se roulant par terre. Pourquoi, pauvre cœur, ne peux-tu cesser de me faire souffrir? Il tente tout pour apaiser sa peine. Il boit de la liqueur de rose, il prend des bains à température ambiante, il essaie même d'imiter les moutons dans les prairies. Bah, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, et ben quoi alors? J'ai lu quelque part que se rapprocher des animaux, ça pouvait faire du bien. Alors voilà, je tente le coup. Et je te rappelle que ma femme m'a trahi. Euh... Oui, mais tu l'as surtout zigouillé, Charia. Tu viens de commettre un geste atroce, alors c'est peut-être la culpabilité qui te rend malheureux, non? Oui, peut-être. Mais purée, mêle-toi de tes oignons. Bon, j'y retourne. Un soir terrible, sombre, strié d'éclairs. Le sultan prend une horrible décision. Chaque nuit, j'épouserai une nouvelle femme et je la ferai assassiner. Quand ? Qu'est-ce que tu as vu ? Excusez-moi, comme il parlait, j'avais un petit creux. J'en ai profité pour me faire un petit sandwich. Mais il est fou ! Oui, complètement fou. Nuit après nuit, le sultan épouse une nouvelle femme qu'il fait disparaître lorsque paraît le soleil. Les habitants du royaume tremblent de peur. Mais alors, toutes les jeunes filles vont y passer ? Au café, dans le souk, au bord de la mer, partout. Les lèvres remuent dans tous les sens pour ne poser qu'une seule et même question. Comment arrêter la furie du sultan ? Parmi les habitants de ce pays, il y a... Voyons... Jocelyne ? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jocelyne ? Mariam ? Allô ? Ah, flûte. Nour ? Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Ah ! Sheherazade ? Allô ? Ah ! Ouf ! Sheherazade est la fille du grand vizir et elle n'est pas loin de péter les plombs. Non mais il est complètement givré, le sultan Shahriar. Et pourquoi mon père ne fait rien ? Il est ministre, il pourrait l'arrêter. Sheherazade décide de sauver les jeunes filles du royaume. Oui, mais... comment ? Notre vaillante héroïne est d'une beauté à couper le souffle. Mais elle est surtout très vive, très fine, très maligne, très intelligente, très brillante, virevoltante dans son esprit. Elle est merveilleuse, elle est... Mais tu n'en ferais pas un peu beaucoup, Laure ? Bah quoi ? D'habitude, dans les contes, on en fait des tonnes sur la beauté des femmes. Et elles ont les cheveux longs, et les dents blanches, et blablabli, et blablablou. Avec toi, on peut dire autre chose, ça change un peu. Ah ? Bon, d'accord. Sheherazade réfléchit. Voyons, qu'est-ce que je sais faire ? J'ai beaucoup d'imagination et je connais bien les histoires puisque j'ai lu à peu près 1000 livres. Bingo ! J'ai trouvé. Le lendemain, elle informe son père de son nouveau projet. Mon père, le monde a assez déraillé. Il est temps de rétablir la justice. Je sais comment arrêter la barbarie du sultan. Pour cela... il faut que je l'épouse. À ces mots, le grand vizir manque de tomber de sa chaise. As-tu perdu la raison ? Tu crois que toi, Sheherazade, avec tes petits points ou je ne sais quoi, tu vas réussir à changer les choses ? Avec mes petits points, non. Mais avec mon esprit, oui. Le père finit par céder. Sheherazade se rend au palais du sultan qu'il épouse à la tombée de la nuit. Puis, il lui adresse ses mots. Tu sais ce qui t'attend, Sheherazade. Avant le lever du jour, ce sera... Quick. Oui, pour ça, on verra. Puis, Sheherazade ajoute, en regardant le sultan Shahriar, droit dans les yeux... Cette nuit... et les nuits suivantes, je vous raconterai des histoires si merveilleuses qu'au lever du jour, impatient de connaître la suite, vous n'aurez plus du tout envie de m'ôter la vie. Et ainsi, pour sauver toutes les jeunes filles de son royaume, notre courageuse héroïne raconte, chaque nuit, une nouvelle histoire au sultan. Dans la capitale d'un royaume de la Chine... lorsque sa voix s'élève, dans le silence et l'obscurité... un monde enchanteur se dessine. Il y avait un tailleur... dans les histoires de Sheherazade. La vie est pleine de magie et de danger. On trouve de magnifiques trésors et les mers cachent de fantastiques créatures. Ici, Les humains sont grandioses et terribles. Et toujours, ils partent à l'aventure. Ce héros était Aladdin. Alors, qu'est-ce que tu attends? Prends place, assieds-toi là, dans les tapis et les coussins de soie. Tends l'oreille et écoute. Enfin. Si tu l'oses. Derrière cet épisode des Mille et une Nuits, il y a Anne-Sophie Ladonne, Fanny Leroy, Benjamin Orgeret et moi, Laure, Grand Besançon. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.